la révolution. On devient tous des traqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Ah ou, gilet jaune, quel est votre métier? Ah ou, c'est la révolution. On devient tous des traqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Ah ou, gilet jaune, quel est votre métier? Ah ou. Ouais. Ça va faire un an que ça dure. On pense à tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont enfermés. Libérer l'oisif, pas lâcher. Et tous les autres. Ah. Et mon ami, dis-moi ce que t'en penses. Ça va bientôt faire un an qu'on fait trembler la France. On tombe sous tir d'LBD, c'est pas des tasers. En plus, c'est même pas des casseurs, c'est mon frère et ta sœur. J'ai beaucoup trop de choses à dire, je pourrais jamais me taire. Je reviens en première ligne, je suis dans le nuage, j'ai plus de repères. Y'en a qui portent le gilet, d'autres en black qui forment le bloc. On est vraiment beaucoup trop nombreux dans la rue pour qu'ils nous stoppent. Les samedis, je suis déter, je me lève plus du bon pied. Maintenant que j'ai vu qu'ils frappaient les infirmières et les pompiers. Et puis je vais y revenir, même si la question il esquive. On s'est tous demandé où était passé Steve. Je parle au nom de tout le monde, vu que je suis quelqu'un de lambda. On va pas attendre que t'aies fini ton mandat. On est de plus en plus nombreux, le mouvement s'éteint. Je vois des personnes de 7 à 77 ans. On quittera pas la rue, même aux sommations de ton capé. On combat pour les jeunes, les anciens, puis les handicapés. Respect à ceux qui en première ligne sont derrière les barrières. À toutes ces femmes qui pour leurs enfants se transforment en guerrières. Je propose qu'on fasse un truc de dingue pour les 1 an des gilets. Que tout simplement, tous ensemble, on se dit cette fois-ci j'y vais. On sera nombreux si on débarque tous avec 9 ou 10. Ref, rendez-vous le 16 novembre 2010. 9. Arrête du bruit. Rendez-vous le 16 novembre 2010. 9. On est là.